des arbres de regarde grandir des enfants. La vieille dame connaît bien la présence du temps. Le père ont des souvenirs et de générations. Au balcon des sourires respire l'accordéon. Depuis tellement d'années qu'elle habite au premier, on lui dit aujourd'hui que son bonheur est ailleurs, est ailleurs. Toujours aimé. Comme les arbres, elle entend le soupir des passants, cours d'école au soleil et klaxon au réveil. Les Chinois d'à côté, les fleurs du Portugal, corde à linge accrochée aux croix du Mont-Royal. Son respect jour et nuit à sa porte, à sa porte. Comme si elle n'avait jamais, jamais vécu dans le quartier. Comme si elle n'avait jamais, jamais vécu dans ce quartier. Qu'on lui dit d'oublier. L'appétit des gratte-ciels se fout bien des ruelles. Sous la neige et l'oubli reste un père on détruit. De sa chambre on peut voir tous les nouveaux trottoirs, les condos, les miroirs d'un pays sans mémoire, sans mémoire. Comme si elle n'avait jamais, jamais vécu dans le quartier. Comme si elle n'avait jamais, jamais vécu. Comme si elle n'avait jamais, jamais vécu dans le quartier. Comme si elle n'avait jamais, jamais vécu dans ce quartier. Qu'elle a toujours aimé. Elle a toujours aimé.